Amour sans elle, d'André Glades. À 6h30, la cloche sonna, annonçant le dîner. Je descendis aussitôt, étant au nombre de ces pensionnaires de l'hôtel qui espéraient confondre leur hôte par leur étonnante ponctualité et l'amener à faire servir les repas à des heures un peu moins fantaisistes. Malheureusement, les dames avaient refusé d'entrer dans notre ligue, et ce soir-là, tout le monde devant aller en bande au théâtre, ces messieurs, apparemment, s'attardaient aussi à leur toilette, car lorsque je pénétrai dans la vaste pièce que les gaz à demi baissés noyaient d'une lumière indécise, mes yeux ne distinguèrent que Michel et le grand Hollandais. « Allons, pensai-je, en me dirigeant vers ma place favorite, un fauteuil que drapait d'ombre et d'isolement l'ample rideau rouge d'une fenêtre. Voilà ce qui s'appelle tomber mal à propos. C'est donc elle, aujourd'hui. » Car de l'hôtel, il était bien avéré que M. Van Buren, après avoir été tout à la dévotion de la belle américaine, commençait à partager ses attentions entre elle et Mlle Askin, une Russe de 17 ans nouvellement arrivée. Et l'on s'amusait à conjecturer, avec cette sorte de curiosité potinière que donne aux gens le désœuvrement de la vie de pension, sur les suites probables de cette intrigue à trois. Laquelle des deux l'emporterait? La balance pour le moment semblait pencher en faveur de la jeune Russe. Béatrice Schell, frileusement rapprochée de la cheminée, présentait l'un après l'autre à la flamme ses minces souliers de satin noir dont la pointe, brodée de jais, renvoyait des étincelles. Elle était admirablement belle, d'une beauté de madone, pure, sérieuse, pénétrante. Il fallait être elle pour oser encadrer son visage, déjà un peu émacié, dans ces nobles bandeaux ondulés si difficiles à porter pour celles qui n'ont pas un ovale irréprochable. Ses yeux, noirs et profonds comme une nuit de velours, étonnaient par leur expression d'intime douleur. On eût dit qu'elle avait au cœur une blessure subtile qui saignait invisiblement et que ses magnifiques yeux tristes imploraient la pitié de chacun. Tout en elle intéressait ou charmait. Sa grâce délicate et souffrante, la bonté qui émanait d'elle, ses toilettes d'un deuil atténué, la douce mélancolie que lui avait laissée la mort d'une sœur bien-aimée. Tout le monde dans l'hôtel l'adorait, Béatrice. Comme il n'était pas naturel qu'une aussi charmante personne, américaine, riche et libre, fût arrivée à l'âge de 28 ans sans se marier, il circulait sur elle, à mots couverts, une histoire d'amour malheureux, et elle s'auréolait encore d'un passé romanesque. En réalité, on ne savait rien de précis, Michel n'avait fait de confidence à personne. Ce soir-là, un soir glacial de décembre, l'usuelle expression douloureuse s'accentuait dans les beaux yeux de Béatrice, tandis qu'elle causait avec le grand Hollandais blanc qui s'appuyait à la cheminée, debout en face d'elle, et faisait bomber sur son torse large l'éblouissante blancheur de son linge. Il était en habit et tenait ses gants à la main, une belle main, grande mais blanche, avec une bague à l'annulaire. Il souriait rarement, d'un sourire discret et grave, et s'exprimait avec calme, selon qu'il convient un homme de sa race. « Vous resterez donc seule, mademoiselle, » disait-il de sa voix légèrement gutturale de Germain que nuançait en ce moment en regret. « À moins, » ajouta-t-il en se tournant avec un petit salut cérémonieux vers la place que j'occupais, « à moins que M. Dark ne vous tienne compagnie au salon. » « Mademoiselle ne va pas au théâtre ?» demandai-je en me rapprochant du couple. « Non, » fit Béatrice, dont les lèvres souriaient et les yeux restaient tristes. « Je regrette tant, mais il faut que je m'aménage si je veux aller au concert d'après-demain. Il y a encore de la place pour vous au coin du feu, Monsieur Dark, si vous voulez. » Ce disant, elle ramena la traîne de sa robe de velours noir et me désigna, du geste, une chaise à côté d'elle. Sa voix prenait toujours, en s'adressant à moi, une inflexion plus douce que pour les autres. Comme eux, elle était sans doute au courant de ma douloureuse histoire, et dans sa manière de me regarder, de me tendre la main, de me dire la plus insignifiante chose, dans la délicatesse même qu'elle apportait à ne me questionner jamais, je sentais une sympathie trop discrète pour s'exprimer autrement qu'en fines nuances et dont je lui étais profondément reconnaissant. En même temps qu'entraient assez bruyamment quelques personnes en toilette de soirée, la porte de la salle à manger s'ouvrit à deux battants, taillant dans la pénombre du salon un grand carré de lumière jaune où s'encadrait la rubiconde personne du maître d'hôtel annonçant une seconde fois le dîner. « Donnons le bon exemple, » dit Michel qui s'est élevé et échangeait des poignées de main avec les dames. Vraiment, ce pauvre Müller aurait plus le droit de se plaindre de notre inexactitude que nous de la sienne. Elle passa à la salle à manger et prit sa place, la première, entre M. Van Buren et une dame d'un certain âge. Le dîner fut rapide, assez animé, d'un service tant soit peu désorganisé par l'entrée successive de plusieurs pensionnaires en retard. Pendant tout le temps du repas, j'observais Michel dont me séparait la longueur de la table. Elle mangeait peu et se partageait, avec un toujours aimable sourire, entre sa voisine de gauche et le Hollandais. Et une curiosité me venait, à moi que rien ne semblait plus devoir intéresser, de connaître le passé de cette belle fille où elle avait puisé sa mélancolie. Après le dîner, je suivis les dames au salon, malgré que quelques messieurs restaient à fumer dans la salle à manger. Les jeunes filles se complimentaient réciproquement sur leur toilette et boutonnaient leurs gants. Béatrice était consultée à propos d'une boucle de cheveux ou de la place d'un bouquet de violettes. « Béatrice, chère, voulez-vous m'attacher ma ceinture ? Il n'y a que vous pour savoir faire un nœud, » disait en câlinant la blonde Vera Askin, sa rivale, qu'on aimait pour sa vivacité d'enfant. J'admirais Béatrice, dont les belles mains habiles chiffonnaient avec art les rubans pâles. Debout au milieu des jeunes filles et seule en noir, sa noble beauté se rehaussait encore du contraste de son élégance sévère avec le papillonnement des toilettes autour d'elle qui rappelait toutes les notes légères de la gamme de l'arc-en-ciel. « Quel dommage que vous ne veniez pas. Il n'y a pas de plaisir sans vous, Béatrice, » dit sa voisine de table en poussant un soupir de regret. « Vous vous trompez, personne n'est indispensable, » répondit la belle américaine avec un lent sourire. « Je vous accompagnerai de mes bons voeux. Vous verrez que vous vous passerez tous très bien de moi. » Et elle appuya avec un peu d'amertume sur le mot « tous ». Les fumeurs venaient de rentrer. Aussitôt, Vera Askin fit signe au Hollandais qu'elle voulait lui montrer quelque chose. Lui s'empressa, ramassant au passage le mouchoir de Michel et le lui tendant avec un de ses petits saluts raides et guindés dans lesquels il excellait. De nouveau, le beau regard de Béatrice s'attrista. Tandis qu'ils s'en allaient tous en riant et en faisant du bruit, je m'esquivais sans dire bonsoir et je remontais dans ma chambre. La joie des autres m'était odieuse. J'étais loin d'être arrivé à ce point de résignation stoïque où on peut la supporter. J'allumai un mélancolique cigare et, comme chaque soir, dans ma chambre solitaire, je revécus mon malheur. Je refaisais mentalement cette promenade au clair de lune qui termina si tragiquement notre voyage de noces. La mer fulgurait sous le ciel étoilé, nous étions seuls sur la falaise, l'air du soir, déjà vif à cette hauteur, fraîchissait et elle se serrait contre moi pour avoir chaud. Et nous nous étions si imprudemment avancés. Ah, je revois la place, tout au bord du rocher, en extase devant la lune levante, et dont le disque d'argent entr'ouvrait les nuages. Et tout à coup, une pierre se détachait sous ses pieds, un cri d'angoisse déchirait la paix de la nuit, sa robe blanche tournoyait dans le vide, et le bruit mat de sa chute m'atteignait avant que, hébété, j'eusse eu le temps de réaliser le malheur qui venait d'arriver. Je relevai le corps, je soutenais de mon bras la frêle nuque brisée, et je l'emportais chez nous au milieu des lamentations et des pleurs qui m'accompagnaient dans mon lugubre trajet. Et puis je renvoyais le prêtre, les sœurs, je la veillais seule, jaloux de nos dernières heures d'intimité. Il y avait 6 mois de cela. On m'avait forcé à voyager encore pour me distraire. Je courais les hôtels, je voyais des visages nouveaux, j'apprenais à connaître des pays, des villes, des coutumes. Tout passait dans ma tête avec une rapidité tournante de kaléidoscope. Mais pouvais-je tuer en moi le souvenir? Pourquoi? Pourquoi ce malheur inouï, atroce, immérité, à nous plutôt qu'à d'autres? Pourquoi séparer les amants, tandis que tant de pauvres êtres vont, traînant jusqu'au bout, une misérable existence dont la fin n'arracherait de larmes à personne? Graduellement, le silence envahissait l'hôtel. Les allées venues des domestiques dans les chambres avaient cessé. Dans la mienne, où j'avais prié qu'on ne me dérangeât pas quand je m'y trouvais, le feu s'était éteint et il faisait un froid cruel. La bise hurlait derrière les vitres gelées et j'eus besoin d'un effort pour secouer ma torpeur. 10 heures sonnèrent à ma petite pendule de voyage. « Déjà 10 heures, » me dis-je en me levant, tout engourdi et frissonnant. « Comme on est tranquille quand ils sont tous sortis. Ah, s'il savait combien les plaisirs de ce monde sont vains. Et voilà que la pensée de cette pauvre Béatrice, qui comptait, je crois, sur moi, et que j'avais assez impoliment abandonnée, me traversa d'un vague remords. Je descendis au salon. Sans doute, me disais-je, en passant par le hall désert, elle sera aussi remontée chez elle pour rêver à Dieu sait quelle chose triste, dans quelque autre chambre manale de notre caravansérail. Je voudrais qu'elle sût à quel point sa tristesse m'intéresse. Mais que de douleur, sœur de la nôtre, nous coudrions ainsi tous les jours, sous le masque, les devinant et n'osant leur offrir notre sympathie. Je fus surpris de la retrouver auprès du feu, seule, naturellement, à la même place qu'auparavant. Elle avait le menton appuyé sur sa main et paraissait plongée dans de profondes réflexions, car elle n'entendit pas la porte s'ouvrir et ne s'aperçut de ma présence que quand je la saluai. Elle leva vers moi son beau visage de madone, et je vis, à l'éclat humide de ses yeux, qu'elle avait pleuré. « C'est vous, monsieur Dark ? » dit-elle, et il me sembla qu'en me parlant, sa physionomie s'éclairait toute. « C'est gentil à vous de venir me tenir un peu compagnie. » Je la priai au contraire d'excuser ma sauvagerie. « Si j'étais aimable, mademoiselle, » fis-je en m'asseyant tout près de la cheminée, « je me serais forcé de vous distraire, en l'absence de vos amis. Malheureusement, je suis morose, et ma société ne peut être attrayante pour personne. Croyez-vous qu'il n'y ait que les gens très gais qui y intéressent ?» me demanda sérieusement Béatrice. « Je me l'imagine quelquefois en voyant le succès qu'ont certaines petites filles très rieuses. »« Comme Vera Askin ?» interrompis-je presque involontairement. « Oui, comme Vera. Et je comprends qu'elle plaise. C'est une charmante enfant. Il y a en elle une exubérance de vie et de bonne humeur qui est contagieuse, positivement. Monsieur Van Buren, le froid Monsieur Van Buren lui-même, dégèle un peu à son contact. » Elle avait prononcé ce nom sans aucune amertume et accompagnait l'éloge de son amie d'un sourire indulgent de grande sœur. « N'est-ce pas ? » fit-elle. Ce n'était donc pas à cause d'eux qu'elle pleurait. « Oh, sans doute, » répondis-je indifféremment. « Une ruse est toujours très charmante. » En ce moment, un grand coup de bise, sinistre comme un appel de détresse dans la nuit, hurla aux fenêtres. « Le vilain vent !» dit Béatrice en serrant autour de son cou un boa de plume qu'elle n'avait pas quitté de la soirée. « Il me fait frissonner jusqu'au moelle. Je vous assure que je suis bien contente que vous soyez descendue. Rien de si triste que de passer une soirée solitaire à écouter pleurer ce vent. » Et comme je restais silencieux, elle m'interrogea. « À quoi pensez-vous, monsieur ?»« Je me demandais, mademoiselle, » dis-je en répondant directement à une question directe, « dans combien de pays vous avez déjà entendu hurler le vent d'hiver ? Il me semble qu'il n'y a pas d'endroit où vous n'ayez passé au moins quelque temps. » « Cela vous étonne ? » fit-elle pensivement, en tisonnant le feu qui se mit aussitôt à lancer une fusée d'étincelles. « Nous autres Américains sommes d'une race voyageuse. » « Il n'y a rien de tel que les voyages pour se distraire et oublier ses chagrins, » répliquai-je avec une déplorable banalité. « Vous trouvez ? » demanda Béatrice, et elle soupira. « Quand vous aurez voyagé autant que moi, vous verrez que rien n'est plus faux. On se traîne partout avec soi, et l'on ne fait que promener son ennui. » Elle avait hésité à prononcer ce mot « ennui » qui, je crois, n'exprima pas à dessein sa pensée. C'est souffrance qu'elle avait voulu dire. Je n'en pouvais plus douter. Son beau regard douloureux était tourné vers le passé. Je me souvins à ce propos qu'il était vaguement question d'un fiancé qu'elle aurait perdu. Combien passionné devait être l'amour inspiré par cette noble Béatrice ? Que vous avez raison, mademoiselle, m'écriai-je un peu vexé d'avoir été plat. J'ai parlé sottement. Vous connaissez peut-être le malheur qui m'a frappé ? Moi aussi, je voyage pour me distraire et je n'y trouve aucune consolation. Vous étiez marié depuis peu de temps ? Me demanda-t-elle avec une grande commisération. Depuis un mois. Nous avions été fiancés pendant 2 ans. C'est peut-être présomptueux, mais il me semble qu'aucun autre ne s'aimait autant que nous. Je ne puis pas oublier, je ne puis pas. Depuis l'accident, c'est comme si j'étais partagé en deux. Je tâche de vivre comme tout le monde, mais mon âme est à la morte. « Vous êtes bien heureux, » me dit Béatrice. Offusquée, je levai les yeux sur elle. « Oui, » reprit-elle d'une voix qui tremblait un peu, « bien heureux parce que vous avez aimé, été aimé, et que vous avez au moins un bon souvenir dans le passé. Cela, personne ne vous le prendra jamais. On est bien heureux d'avoir un cher passé à pleurer. » Pauvre Béatrice, pensais-je, repentant déjà de l'avoir crue indifférente. Il n'est donc pas mort, c'est qu'il l'a trahi. Ce qu'elle a dû souffrir avec l'âme que je lui devine. Et elle est restée sur cette douloureuse expérience, repoussant peut-être un autre amour plus digne d'elle parce que le premier l'avait déçue. Ce fut elle qui reprit la conversation. « Si cela vous fait mal de parler de cela, ne me répondez pas. Mais j'aimerais savoir comment vous avez connu votre femme. Dans des circonstances très spéciales, sans doute ?»« Mais non, » fis-je, étonné de cette question et plus encore de la supplication étrange de ses yeux noirs. On eût dit qu'elle avait quelque inquiétude de ma réponse. « Nous n'avons pas eu d'aventure romanesque. Je l'avais rencontrée dans le monde. J'ai commencé à l'aimer tout de suite, je crois, et tous les jours davantage. »« Ah ?» murmura Béatrice, évidemment déçue. « Cela existe donc, le coup de foudre ?»« Ne niez pas l'amour, mademoiselle, » lui dis-je avec tristesse. « Cela vous irait si mal, d'ailleurs. » Elle rougit pour pâlir aussitôt. « Quelle ironie !» fit-elle en haussant légèrement les épaules. « Vous avez l'air de me reprocher de railler, quand rien n'est plus loin de ma pensée, et vous-même venez d'être très ironique, peut-être sans vous en douter. » Je ne reconnaissais plus Béatrice. Cette voix amère était si peu la sienne. Elle lut mon désappointement dans mes yeux, s'en affligea, et sa mélancolie en fut encore aggravée. Pendant une minute ou deux, nous restâmes l'un et l'autre silencieux, donnant l'essor à nos pensées. Une photographie qu'elle tenait sur ses genoux glissa alors à terre. Je la ramassai, et cela nous fournit une nouvelle entrée en matière. « C'est ma petite sœur Myriam, » dit Michel en me la montrant. « La connaissiez-vous déjà ?» Je vis une jolie enfant de 12 ans, blonde et aux traits rieurs, qui ne ressemblait en rien à son aînée. « N'est-ce pas qu'elle est jolie ?» murmura Béatrice. « C'est tout ce que j'avais à aimer, cet enfant. La mort est parfois d'une injustice cruelle. Si vous saviez comme je l'ai soignée, j'espérais tant de son avenir, et j'attachais tellement d'importance à ce qu'elle fût heureuse. Mon Dieu, qui sait, c'était une petite fille toute de cœur et de tendresse. La vie l'aurait peut-être beaucoup désappointée. » Je compris seulement alors que c'était sur la photographie de sa sœur qu'elle avait pleuré. Cependant, son regard, tandis qu'elle me parlait de Myriam, n'exprimait qu'une grande tristesse sans amertume. Ce soir-là, elle me raconta quelques traits de sa vie. J'appris ainsi qu'elle était née à Boston, où elle avait passé son enfance très heureuse, très choyée entre ses parents qui l'adoraient. C'était une époque de joie calme, de sérénité, d'insouciance, dont elle conservait un délicieux souvenir. Ses premiers chagrins dataient de sa 18e année, où elle perdit à quelques mois de distance son père et sa mère. Très ébranlée par ses deuils successifs et seule avec le bébé Myriam, désormais toute sa famille, elle avait obtenu de son tuteur la permission de voyager avec un chaperon. Et ce voyage à travers les capitales de l'Europe et les villes d'eau célèbres, qui primitivement ne devait durer que 2 ans, se prolongeait en réalité depuis 10 années. Elle n'était retournée en Amérique qu'une seule fois, à sa majorité, et elle s'était alors sentie si triste dans ce pays où rien de ce qu'elle avait aimé n'existait plus, qu'elle se hâta, ses affaires terminées, de retraverser l'Atlantique et de reprendre sa vie errante qui l'emportait de Paris à Nice, de Nice en Suisse ou en Angleterre, suivant la saison et suivant son caprice. L'éducation, puis la santé de sa petite sœur, la préoccupait naturellement beaucoup. Tout d'un coup, sans cause apparente, Myriam avait commencé à dépérir. C'était un mal sourd, progressif, qui lui enlevait chaque jour un peu de fraîcheur, un peu de force, un peu de gaieté. Béatrice, le cœur déchiré et douloureusement impuissante, avait surveillé, phase à phase, ce lent retirement de la vie dans ce corps de 12 ans. Malgré qu'on avait tenté l'impossible pour elle, la chère petite était morte à Rome. Et cependant, comme sa sœur l'avait soignée, comme elle l'avait disputée à la mort. Les larmes montaient aux yeux de Béatrice en racontant son grand chagrin. Elle me dit encore beaucoup d'autres choses, assez intimes même. On voyait qu'elle avait été privée depuis longtemps du bonheur d'ouvrir son cœur. Je devins communicatif à mon tour. Je lui parlais comme à une amie, comme à une mère presque, et je n'avais pas honte devant elle des sanglots qui étranglaient ma voix. Elle fut si compatissante et si bonne que je garde un souvenir ineffaçable de cette heure d'épanchement auprès du feu mourant dans la banalité froide de ce grand salon d'hôtel. Quand nous nous quittâmes, en nous souhaitant mutuellement une bonne nuit, nous sentîmes que nous étions devenus de sincères amis. Seulement, tandis que je lui avais fait toutes mes confidences, elle était restée muette sur le chapitre de ses peines de cœur, et je m'aperçus que je ne savais rien d'elle, que ne sut à peu près tout le monde. Plus que jamais, j'étais convaincu qu'elle avait un secret, mais je me perdais en conjectures. Le lendemain, Béatrice m'étonna encore. Ce fut à propos d'une jeune et jolie femme de chambre, à qui Herr Müller avait signifié son renvoi dans les 24 heures, pour cause de garçon bouché dissimulé la veille, à des heures indues dans l'office. La pauvre Jane, en vain, protesta de son innocence, s'accusant avec larmes d'avoir seulement oublié l'heure. Le maître fut inexorable et bien pire. Dans sa vertueuse indignation, il raconta à tout le monde l'histoire, qui prit aussitôt les proportions d'un scandale. La pauvre petite, toute honteuse et défigurée par les larmes, eût excité la pitié de cœur plus dur que les nôtres. Mais quoique chacun fût content de son service, personne n'eut l'idée de s'interposer en sa faveur, et en général on trouva, tout en la plaignant, que Herr Müller avait agi en sage. Michel entra au salon comme on discutait cette question. Elle portait une jolie toilette de soie mauve un peu décolletée à cause de la sauterie d'après le dîner. Elle avait une flamme aux joues et un air excité qui donnait un caractère très différent à sa beauté. « Nous sommes durs envers cette pauvre Jane, » dit-elle sans préambule, en s'adressant aux dames. « Je viens de causer avec elle dans ma chambre. La malheureuse enfant est si honteuse qu'elle ose à peine faire son service. Elle m'a tout expliqué, et je ne la trouve coupable que d'étourderie. Ce garçon est son fiancé. Renvoyée ainsi, sans certificat, où ira-t-elle? C'est comme si on la jetait sur le pavé. » Elle est jolie, et la misère est doublement à redouter pour elle. Je viens d'en parler à Herr Müller. Il reconnaît qu'il a été un peu prompt, et il est tout prêt à rappeler de son arrêt, si personne ne fait d'objection. J'avoue que pour mon compte, j'aurais un véritable poids sur la conscience si j'apprenais jamais que cette complaisante et jolie Jane a mal tourné, faute d'un peu d'indulgence de ma part. Mademoiselle a parfaitement raison, dit M. Van Buren, en approuvant de la tête. Et aussitôt, avec cette facilité qu'ont les gens de se ranger à l'opinion de quiconque leur parle avec chaleur, tout le monde fut de l'avis de Béatrice. La cause de Jane était gagnée. « Comme vous êtes bonne, mademoiselle, » lui dis-je après le dîner, dès que je trouvai l'occasion de me glisser derrière son fauteuil. « À propos de quoi ? » demanda-t-elle, distraite. « Mais de cette jeune fille. »« Ah ! » fit-elle avec un geste vague. « Laissez donc. C'eût été trop injuste de la renvoyer ainsi. » D'abord, moi, je prends toujours le parti des amoureux. » Et le reflet de la pensée triste que j'aurais voulu pénétrer monta dans ses yeux et ne s'en effaça plus de toute la soirée. Le Hollandais était de plus en plus assidu auprès de la jolie Vera Askin. Béatrice ne dansait pas, et il me sembla que la défection de son chevalier servant lui faisait vraiment de la peine. « L'imbécile !» pensai-je, outré d'un tel aveuglement. Un homme de son âge, car il a bien 35 ans, grave, sérieux, empesé comme il l'est, préférer cette poupée à une femme comme Béatrice. Et quoique je m'abstinsse toujours de paraître au salon quand on dansait, je restais ce soir-là pour tenir compagnie à Béatrice. Elle comprit, et mit une grâce si touchante à me remercier muettement de mon léger sacrifice, que je sentis mon humeur s'en accroître contre M. Van Buren. Le soir suivant, nous nous divertîmes d'une façon imprévue et toute différente. Nous, c'est-à-dire les 12 ou 15 personnes qui composaient notre coterie, avions pris des billets pour un concert sacré à la cathédrale où devait chanter une cantatrice célèbre. Nous partîmes tous ensemble, à pied, après le dîner. Il faisait une froide et sereine nuit d'hiver. Tandis que nous traversions les ponts, l'eau du fleuve clapotait avec de petits frissons métalliques et la bise, qui avait été faible pendant la journée, commençait à se relever. Vera Askin, sous prétexte qu'elle avait peur de se perdre dans la ville, qu'elle ne connaissait pas, avait saisi le bras du Hollandais et se faisait traîner par lui. Béatrice marchait à côté de moi, très enveloppée dans son manteau de loutre. Elle pressait encore sur sa bouche une écharpe de dentelle pour ne pas respirer le froid et s'abstenait de parler. mais devant la cathédrale, une fâcheuse nouvelle nous attendait. Des affiches collées à la hâte un peu partout annonçaient que le concert, par suite d'une indisposition subite de la cantatrice, était renvoyé. Grand désappointement. Et nous restions tous là, plantés en groupe, devant le portique sombre, avec cet air penaud des gens qui s'attendaient à entrer et qui trouvent les portes closes. « Mon Dieu, que c'est ennuyeux !» s'écria Béra. « Qu'allons-nous faire ?» Les exclamations aussitôt s'entrecroisèrent. Béatrice seule ne disait rien. Et pourtant, elle était peut-être la plus désappointée, car elle aimait vraiment la musique. « Rentrons à l'hôtel. Nous danserons pour nous consoler, » suggéra un petit baron allemand. Béra fit la moue. « Nous dansons trop souvent. Cela devient monotone, » dit-elle. Puis tout à coup, secouant sa mauvaise humeur, elle s'écria en frappant les mains de plaisir. « je sais, nous irons patiner. Il y a une fête de nuit à l'étang réservé, on loue des patins. Ceux qui ne patinent pas nous regarderont. Monsieur Van Buren, vous qui connaissez bien les chemins, conduisez-nous. » « Une excellente idée, mademoiselle Béra, » dit le Hollandais qui lui offrit de nouveau le bras. Ils partirent en avant et la bande docile suivit. « Cela vous ennuie ? » demandai-je à Béatrice, dont je m'étais constitué le cavalier. « Nullement, » répondit-elle. « Je ne patine plus, mais cela m'amuse de regarder, pourvu qu'on ne reste pas trop longtemps. » Elle souriait, mais je vis bien à son regard que le manège de la jolie Véra et de M. Van Buren lui faisait mal. Était-elle jalouse ? La jalousie est la dernière passion dont j'eus suspecté l'âme douce et fière de Béatrice. Et si ce n'était que tristesse, comment avait-elle pu s'attacher aussi fortement à ce bel âtre insignifiant ? L'étang, d'une blancheur crue sous le jet de lumière électrique, s'offrit à nos yeux à un brusque débouché du chemin, poétiquement encadré d'un cordon d'arbres grêles et disséminé aux branches desquelles se balançaient de multicolores lanternes vénitiennes. Il apparaissait comme une tache ronde de clarté circonscrite et vibrante, autour de laquelle la grande nuit d'hiver reprenait sa majesté inviolée. Au moment où nous arrivions, des feux de Bengale rouges, trouant les ténèbres alentour, détachèrent en rose incandescent le clocher d'une église noyée à sa base d'obscurité. « Oh, que c'est joli !» s'écria Béra. « Vite, vite !» Et elle descendait en courant sur la glace, choisissait des patins qu'elle se faisait mettre par M. Van Buren, tandis que ceux d'entre nous qui ne patinaient pas entraient dans la cantine. C'était une assez spacieuse baraque de bois brut, avec de petites fenêtres, opaques de sueur, qui avait vue sur l'étang. L'odeur forte du coke, le fumet des boissons brûlantes et fortement épicées, l'haleine des consommateurs se confondaient en une chaleur âcre et entêtante qui nous saisit à la gorge dès l'entrée. Nous nous assîmes cependant devant des bols de punch, et quelqu'un ayant essuyé d'un revers de gants les petites vitres ternies, nous pûmes suivre du regard les ébats des patineurs au dehors. M. Van Buren va nous rejoindre après quelques minutes. « Vous n'en êtes pas ?» demanda Béatrice, non sans surprise. « Oh, moi » fit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Il me faut plus de place. On est habitué à mieux que cela dans mon pays. » Une expression enjouée passa sur les traits de la jeune Américaine. « Alors vous allez prendre du punch avec nous et les regarder, » dit-elle. « D'ici, on voit très bien. »« Pouah, ce n'est pas la peine d'en parler, » rétorqua un peu dédaigneusement le Hollandais. Et il se mit à nous raconter des histoires de patinage de son pays, à nous faire des descriptions enthousiastes des grands canaux gelés de la Hollande, ces rubans blancs kilométriques où les patins filent et glissent avec la rapidité ininterrompue d'une flèche. À l'évocation de ses souvenirs, il s'animait, gesticulait. « C'est ça qu'il faudrait voir, » disait-il avec orgueil. Alors la générale Askin lui posait des questions et la conversation se prolongeait, assez vive, autour des verres depuis longtemps vidés. De temps en temps, un éclat de la voix rieuse de Véra nous arrivait au travers des flonflons bruyants de l'orchestre. Cependant, cette atmosphère si lourde commençait à fatiguer Béatrice. Elle ne s'en plaignait pas, mais je la voyais pâlir et je songeais justement à proposer une diversion, quand une de ces dames se leva, déclarant que la chaleur devenait insoutenable et qu'il était d'ailleurs temps de rentrer. « Attendez, je vais les chercher !» s'écria M. Van Buren, et il descendit le premier sur l'étang où nous le rejoignîmes aussitôt après. Béra était déjà auprès de lui et le suppliait avec insistance. « Venez, M. Van Buren, venez donc, c'est si amusant! Nous avons besoin de vous pour une chaîne, une grande chaîne que nous allons faire. « Mais, mademoiselle, puisque je ne patine plus et que nous partons, » disait-il avec une hésitation qui ne demandait qu'à se laisser vaincre. « Oh, maman attendra, » répliqua la jeune fille, « et cette dame aussi. » Elle ajouta, « Je vous en prie. » M. Van Buren fit alors signe à un homme qui s'était approché une paire de patins à la main. Vera eut un sourire exultant. Elle était excessivement jolie ce soir-là, avec ses yeux noirs qui brillaient dans le rose vif de ses joues, et ses cheveux clairs de fille du Nord dont l'envolée légère faisait courir un frisson d'or au bord de sa toque de fourrure. Le teint délicat de fleur de serre de Béatrice se brouillait au contraire de marbrure livide. Je la regardais, tandis que se déroulait la chaîne, M. Van Buren en tête, au son d'une marche gaie. Ses dents claquaient et il baissait obstinément les yeux. « C'est absurde de vous faire geler à les attendre ici, » dis-je de fort mauvaise humeur. « Bah, laissez !» murmura-t-elle d'une voix énervée. « Ils en auront pour 5 minutes. » Je me mis à battre la semelle. Mais l'attente, les pieds dans la neige tassée sous le fouet du vent glacial, se prolongeait d'une façon exaspérante. La chaîne s'était rompue. M. Van Buren patinait pour la galerie, seul avec Mlle Askin. Il m'enseignait un nouveau pas, et le cercle se resserrait autour d'eux pour les admirer, car ils étaient vraiment l'un et l'autre des patineurs émérites. Béatrice, qui n'avait pas voulu retourner dans la cantine, restait à l'écart toute frissonnante et les yeux pleins de larmes. « Allons-nous-en, » fis-je avec décision, « vous prendrez froid. » Et à la générale Askin, qui attendait patiemment le bon plaisir de sa fille, « Je reconduis Michel à l'hôtel, elle trouve qu'il fait trop froid. » Notre disparition n'éveilla l'attention de personne. Michel prit mon bras et nous nous en retournâmes par le plus court chemin. La bise soufflait violente et Béatrice, par moments, était obligée de se cramponner à moi. Nous n'échangeâmes pas un mot durant le trajet, mais aussitôt dans le salon chaud et paisible, elle me dit, tandis qu'un domestique nous débarrassait de nos manteaux, « Comme vous êtes bon et comme je vous remercie. Mais vous savez, » reprit-elle en tirant, selon sa frileuse habitude, son fauteuil tout près du feu, « il ne faut pas rester ici pour moi, il faut aller les rejoindre. »« Si vous croyez que c'est une privation, » fis-je en haussant les épaules, « je préfère rester auprès de vous, à moins que je ne vous dérange. » J'ajoutais ces derniers mots parce qu'elle venait de rejeter la tête en arrière, très accablée, des larmes filtrant à travers ses cils baissés, et que je ne savais pas s'il ne valait pas mieux la laisser seule. Elle fit un geste de dénégation, se domina, et lorsque le domestique qui nous apportait du thé se fut retiré, elle me dit, comme je la servais, « Je ne peux pas supporter le froid, cela me rend tout à fait malade. » Puis changeant brusquement, « Ne trouvez-vous pas que M. Van Buren a l'air très épris? Nous aurons bientôt des fiancés dans la maison. » Sa phrase, qui avait commencé sur un ton de plaisanterie forcée, se brisa dans un petit rire bref qui ressemblait à un sanglot. Je confesse que ma sympathie pour son chagrin n'allait pas sans une grande dose de déception. Elle pleurait pour ce flirt banal de table d'hôte, elle jalouse de cette poupée blonde. Pourtant j'éprouvais le besoin de la consoler, et je lui dis très doucement « Le sort de cette pauvre petite ne me paraît pas bien enviable. Son Hollandais est très quelconque et… » Elle devina l'intention que voilaient mes paroles, car elle m'interrompit avec un geste légèrement contrarié. « Je crois que vous me comprenez mal, » murmura-t-elle. Elle avait rougi et fixé ses grands yeux désolés sur une rosace de plafond. « Mon Dieu, » continua-t-elle, « peut-être bien que pendant un temps j'ai pu croire, j'ai cru, mais je me trompais, voilà tout. » Et elle ajouta, si bas que je devinais plutôt que je ne les entendis, les deux mots qui tremblaient sur ses lèvres, « comme toujours. » Ces deux mots prirent dans mon esprit un sens à la fois mystérieux et désolé. « En effet, je ne comprends pas très bien, » lui dis-je. « Je vois seulement que vous souffrez, et je voudrais beaucoup trouver des paroles qui vous fissent un peu de bien. Mais que puis-je? Pour adoucir le mal, il faudrait le connaître. » Béatrice tourna son regard vers moi à ces mots. « Vous avez l'air de me reprocher mon manque de confiance, » me dit-elle avec un pâle sourire. « Vous avez tort. Vous m'avez raconté beaucoup de choses intimes sur vous. J'ai été très touchée. Je vous ai à mon tour dit tout ce que je croyais pouvoir vous intéresser de ma vie, mais j'ai bien vu que vous étiez désappointé. Vous vous attendiez à ce que je vous parle de mon roman, n'est-ce pas? de cette histoire de fiancé perdu à laquelle on fait autour de moi de vagues allusions. Eh bien, ce fiancé n'a jamais existé. Voilà tout le roman. Je ne sais trop comment cette légende a pris naissance. Je n'ai rien fait pour l'accréditer, rien non plus pour la démentir. Elle est moins humiliante pour moi que la vérité, et j'ai laissé dire. » Elle rêva un instant, puis, d'une voix très lente, dont l'amertume se voilait sous une légère ironie, elle laissa tomber ces phrases qui semblaient être plutôt la continuation d'un monologue intérieur qu'adressé à moi. « Je n'ai jamais eu le moindre amour dans ma vie. Je n'ai jamais été aimée. Je suis belle, je l'étais bien davantage il y a 10 ans. J'ai beaucoup été dans le monde, j'ai rencontré des hommes de tous les âges, de tous les rangs, de toutes les nationalités. J'ai dansé des nuits entières dans des bals dont j'étais presque toujours la reine. J'ai des amis partout dont le dévouement était à toute épreuve. Et me voilà arrivé à l'âge de 28 ans sans savoir ce que c'est que l'amour. On ne m'a même jamais fait la cour. » J'esquissai involontairement un geste de protestation, mais Béatrice continua, sans me laisser le temps d'interrompre. « Cela m'afflige et me trouble plus que je ne saurais dire. Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui m'y repousse? Je ne le crois pas. J'ai toujours été ce que l'on appelle très sympathique. De là à l'amour, il n'y a qu'un pas, semble-t-il, mais on ne l'a jamais franchi. Et pourtant, vous êtes si bien faite pour être aimée, m'écriai-je, ému par l'accent absolument sincère de cette étrange confession. « C'est ce que me répète chacun, » répondit assez naïvement Béatrice. « Quand j'étais petite, mon père avait coutume de dire « Bien des hommes seront rivaux pour ces beaux yeux-là. Quelle dérision! Mon inutile beauté passera sans jamais avoir inspiré que la froide admiration. Je ne sais pas ce que c'est que l'attente passionnée d'une lettre, d'un mot murmuré bas, d'une chère présence. Je n'ai jamais connu la joie d'être belle pour un seul regard. Je vieillirai sans avoir même la consolation que vous avez de pleurer le passé. Vous avez encore l'avenir devant vous, ce qui vaut mieux, lui dis-je. Non, c'est trop tard, dit-elle en secouant la tête. Je ne crois plus en l'avenir. Je suis devenue superstitieuse. Je sens qu'une fatalité pèse sur moi. Jamais je ne rencontrerai quelqu'un qui puisse m'aimer. Si j'avais encore une famille, des attaches, peut-être accepterais-je ma vie telle qu'elle m'est faite. Mais c'est si triste d'errer ainsi d'hôtel en hôtel, d'être seul, de penser qu'il ne s'est trouvé personne pour me tendre la main et m'offrir une place à son foyer. Comprenez-vous maintenant que je vous envie jusque dans votre malheur? Moi, si je mourais, qui me regretterait? Ne parlez pas ainsi, mademoiselle Béatrice, suppliai-je. Je ne vous connais que depuis peu de temps, mais je sens bien qu'il me serait impossible de vous oublier jamais. Je vous sais gré de votre amitié, dit-elle avec un sourire mélancolique. J'ai beaucoup d'amis. Elle appuie un peu sur le mot ami. L'amitié de chacune d'eux m'est précieuse. Pauvre et belle Béatrice, que de tendresse je sentais naître en moi après votre touchante et naïve confidence, et que je vous aurais aimée. Si je n'eusse été moi, moi que l'impérissable souvenir lie plus étroitement à une morte que les liens les plus vivants de la chair. Je souffrais véritablement de ne pas pouvoir exprimer l'infini de sympathie dont débordait mon cœur pour vous. Et si je restais muet, c'est qu'il me semblait que toute parole, même la plus délicate, en ce moment eût porté à faux. Et comme vous vous étiez levé, et que vous vous teniez debout devant moi, confuse déjà, avec une crainte dans vos beaux yeux, dont je vous eusse mal comprise, des vers de Mary Robinson, dont je n'avais jamais si bien pénétré la subtile délicatesse, se réveillèrent tout à coup dans ma mémoire. Je les répétais mentalement, et peut-être me serais-je laissé entraîner à vous les citer. « I know you love me not, I don't love you, but... » Quand cette petite folle de Vera Askin se précipita dans le salon, ouvrant la porte au bruit des autres, et se jeta à votre cou en criant « Oh, si vous saviez comme c'était amusant, Béatrice !» C'est ainsi que s'achève, un peu vivement, « Amour sans elle » d'André Glades.